Votre attention, s'il vous plaît. Veillez à ce qu'il n'y ait aucun obstacle qui gêne la retransmission d'angle d'attaque et que rien ne s'oppose à l'ouverture à une autre vision du monde. Angle d'attaque, tous les troisièmes samedis du mois, de 12h à 13h sur Radio Campus. Il est midi sur Radio Campus, que vous soyez sur les 106,6 MHz, sur DAB+, ou sur campuslille.com, vous vous préparez à écouter votre émission Angle d'attaque proposée par les trois comités locaux de la métropole lilloise. Attaque A2TAC, Association pour la taxation des transactions financières, et pour l'action citoyenne, une association d'éducation populaire à laquelle Angle d'attaque essaie de participer. Qui est présent aujourd'hui pour vous servir? Florent aux manettes et maître du temps, du choix musical et du calendrier militant. René, la science n'est pas là aujourd'hui. Didier, le nouvelliste, Ludovic au look gramscien et Christian au micro pour débarrer. De quoi parlons-nous aujourd'hui? Du travail. Pas de l'emploi, mais du travail. La distinction est précieuse. Pourquoi travaillons-nous? C'était mon sujet au bac d'ailleurs. Nous parlerons plus précisément du sens du travail. Quel sens donne-t-on au travail dans notre société? Quelle qualité de vie au travail est une autre question. Ces questions, deux chercheurs se les ont posées récemment dans un livre court et très clair, « Redonner du sens au travail ». On pourrait se parler d'heureux aussi d'ailleurs. Et nous avons la chance et le plaisir d'accueillir au téléphone un des deux auteurs, Thomas Coutreau, co-religionnaire, puisqu'il est membre de notre association ATTAC, ce qui ne l'a pas empêché d'être un des fondateurs des économistes atterrés, dont nous avons présenté le dernier ouvrage le mois dernier. Bonsoir Thomas Coutreau. Bonsoir Thomas, merci d'avoir mis de l'invitation. Chers auditeurs et auditrices, j'ai dit bonsoir, ce n'est pas le hasard, cette émission est enregistrée le mardi 15 novembre. Voilà. Bonjour, si tu veux. Je précise que le livre en question a été écrit avec Coralie Pérez, que ses 144 pages ont été publiées au Lien qui libère cette année au prix de 13,50 euros. Au Seuil. Pardon ? Aux éditions du Seuil. Aux éditions du Seuil ? Ah oui, pardon. Ah oui, je confonds avec autre. Aux éditions du Seuil, excusez-moi. On note que Thomas Coutreau est l'auteur de nombreux ouvrages. J'ai libéré le travail en 2018. Plus ancien, l'entreprise néolibérale. Un peu plus costaud que les autres. Nouvelle utopie capitaliste. Et puis, parmi les articles les plus récents, une manière d'illustrer le dernier ouvrage Redonner du sens au travail scientifique avec une illustration du Covid. Bien, donc encore merci d'être là et on va vous poser la première question avec Ludovic. Oui, alors le sous-titre de votre ouvrage c'est Une aspiration révolutionnaire. Et effectivement, vous vous inscrivez dans une démarche d'émancipation et de critique. Et d'où la question, première question peut-être en préambule, en quoi se poser la question du sens du travail a-t-elle une portée révolutionnaire? Est-ce que la gauche révolutionnaire s'est toujours posé la question du sens du travail? Il me semble que c'est une question un peu neuve, qui est remise un peu, que vous remettez un peu sur le métier. Donc en quoi se poser la question du sens du travail a vraiment une portée révolutionnaire? Alors, au XIXe siècle, les premiers socialistes, ce que Engels et Marx appelaient les socialistes utopiques, se posaient vraiment cette question. Et eux, ils critiquaient le capitalisme principalement sous l'angle de la soumission du travail et du salariat comme un instrument de soumission du travail et du travailleur. Et donc, pour eux, le socialisme, c'était d'abord et avant tout le dépassement du salariat et la reconquête de l'autonomie ouvrière. Alors cet horizon révolutionnaire de l'émancipation par le travail a été progressivement abandonné par le mouvement ouvrier au XXe siècle, et notamment avec la montée du taylorisme et du fordisme qui ont échangé, si on peut dire, par ce qu'on appelait le compromis fordiste, l'abandon de la souveraineté, de la maîtrise du travail par le travailleur, contre la promesse d'une augmentation des salaires et du pouvoir d'achat. Et c'est pourquoi, effectivement, cette question du sens du travail avait disparu ou quasiment disparu des perspectives d'émancipation portées par le mouvement ouvrier et la gauche. Et il nous semble qu'elle reprend aujourd'hui beaucoup de vigueur avec l'épuisement du fordisme. Bon, les gains de productivité sont maintenant quasiment inexistants, les hausses de salaire encore plus inexistantes. Et surtout, nous avons un management, un néo-management, on y reviendra peut-être, mais qui mutile le travail, qui le réduit encore plus à une dimension mécanique et ultra contrôlée. Et puis nous avons aussi la crise écologique qui nous interroge, qui nous angoisse sur les finalités de notre travail et les conséquences de notre travail sur la nature, sur la vie. Donc tout ça fait que cette question du sens, nous semble-t-il, recouvre une actualité tout à fait nouvelle un potentiel critique tout à fait considérable. Alors, j'ai aussi une question sur ce thème-là, enfin, ce que tu viens d'évoquer. C'est aussi qu'il y a l'idée aussi que les gens aiment bien faire leur travail. Et ce n'est pas forcément un travail qui pourrait être intéressant, mais il y a quelque chose là-dedans, dans cette notion d'aimer son travail, d'aimer ce qu'on fait, quel que soit le métier. On voit souvent dans les grèves, malheureusement, des gens dans le textile qui font un travail que je connais particulièrement bien, qui est un travail qui n'a pas l'air épanouissant, mais on aime bien faire son travail aussi quand même. En fait, les sciences, ce qu'on appelle les sciences du travail, c'est-à-dire l'ergonomie, oui, la sociologie, la psychologie du travail, en observant de près les travailleurs au travail, en faisant des observations, des descriptions fines du travail, et en interrogeant les salariés sur ce qu'ils font réellement, ce qu'elles font réellement dans leur travail, on s'aperçoit que dans la plupart des activités, pour ne pas dire la quasi-totalité, les salariés mettent beaucoup plus, impliquent leur subjectivité, s'impliquent nécessairement dans leur travail, parce que les consignes, la prescription, les ordres donnés par les employeurs ne suffisent jamais à définir vraiment ce qu'il faut faire dans le travail. Il faut toujours en faire plus, parce qu'il y a toujours de l'imprévu, il y a toujours des surprises dans le travail. Et donc l'intelligence, l'initiative est quasiment toujours requise pour arriver à faire correctement son travail. Donc ça, c'est un point très important. Il y a toujours, presque toujours, parce que évidemment il y a des exceptions, mais il y a toujours une dose de liberté, des marges de liberté, des marges d'initiative qui sont nécessaires et qui pour faire correctement le travail. Et donc oui, les salariés sont amenés, qu'ils le veuillent ou non, hein, le plus souvent, à s'impliquer, à mettre de leur subjectivité, à mettre de leur initiative dans leur travail. Et on observe aussi en même temps la pression, comme tu dis, sur les salariés, sur les ordres, sur les normes, etc., qui dégrade aussi le travail. Les gens sont conscients aussi de ça. Alors justement, ce qui fait que la question du sens du travail se pose de façon croissante aujourd'hui, c'est l'emprise de ce qu'on a appelé, nous, le management par le chiffre, enfin, qui est une technique d'organisation du travail qui s'est maintenant généralisée dans les entreprises et les administrations, portée par essentiellement par la mondialisation financière, hein, par la gouvernance actionnariale, ce que la TAC dénonce depuis sa création, l'emprise de la finance sur le monde, et en particulier sur le monde du travail, sur le monde des entreprises. Ça se traduit par l'imposition de systèmes de définition très stricts, très détaillés du travail, et surtout d'obligations de reporting, de traçabilité, d'objectifs chiffrés qui rentrent dans les détails de la réalisation du travail et qui sont comme un carcan dans lequel les salariés doivent s'inscrire pour pouvoir toucher leur rémunération, pour pouvoir que leur travail soit validé par leur employeur. Et ça, c'est imposé par l'industrie financière qui a besoin de contrôler en permanence la performance économique et financière du travail, hein, pour être assuré, disons, cette transparence, cette stabilité des revenus et des rendements financiers qui est exigée par, dans le cadre de la mondialisation, de la concurrence sur les marchés financiers, où les investisseurs veulent à tout moment être sûrs que le rendement qu'ils vont tirer de leurs investissements est maximum. D'où effectivement une partie souffrance du travail que je laisse la parole à Didier. Oui, deux questions sur, enfin, au sujet de la, disons, de la dégradation des conditions de travail. Donc une première question sur la, ce que vous pensez de la dégradation progressive du, des collectifs de travail. Je crois que Daniel Linhart parle de pathologie de la solitude. Bon, depuis quand même pas mal d'années, les syndicats ont du mal à agir. Les collectifs de travail sont en souffrance. Et une deuxième question qui concerne plus précisément la souffrance au travail. Dans votre livre, donc il y a eu une littérature abondante sur la souffrance au travail avec dans les années 90-2000, surtout avec des gens comme Philippe Davzy, Yves Clos, Christophe Dejour, que vous citez d'ailleurs. Et cette souffrance au travail, ma question, c'est justement de savoir comment, enfin, dans le livre, vous semblez dire que c'est une approche qui est pas la vôtre. Enfin, c'est une approche, je crois, votre terme, c'était doloriste, quelque chose comme ça. Je crois que vous considérez pas que ce soit la bonne approche pour justement appréhender les questions du travail. Alors, il y a deux questions. Il y a la question des collectifs. Donc, est-ce que les collectifs sont en voie de désagrégation? C'est compliqué. Je dirais, la réponse est compliquée. Il y a, si on parle du collectif informel, de l'entraide quotidienne entre les salariés pour faire face aux difficultés de leur travail, la débrouille collective, les coups de main qu'on peut se donner au jour le jour entre collègues au sein d'un collectif, ça n'a pas tendance à s'effriter. Et on voit même dans nos enquêtes, les enquêtes statistiques du ministère du Travail, on voit même plutôt un renforcement au fil du temps et les dernières décennies de l'entraide informelle sur le lieu de travail, qui est d'une forme, nous semble-t-il, d'après les interprétations qu'on peut en faire, de compensation, une manière de tenir face à une intensification du travail, à la perte d'autonomie dans le travail, à la montée de ce management par le chiffre. Les salariés, d'une certaine façon, se serrent les coudes pour pouvoir tenir. Par contre, ce qui est vrai, c'est que les collectifs mobilisés sont plus rares. C'est-à-dire la capacité d'organiser collectivement une action, de résistance, par exemple, au management, ou par exemple à la stagnation ou à la baisse des salaires, ou par exemple à des plans de licenciement. Cette capacité d'action collective, elle, a eu tendance à régresser. On voit le nombre de grèves diminuer au fil des années, en lien évidemment avec l'individualisation de la relation salariale, la précarisation des contrats, etc. Donc il faut bien distinguer, quand on parle de collectif, il y a des collectifs informels et des collectifs mobilisés, leur évolution n'est pas tout à fait la même. Donc vous n'êtes pas spécialement d'accord avec Daniel Linhart sur ce qu'elle appelle les pathologies de la solitude, enfin le travail de plus en plus qui renvoie à l'individu, quoi. Pas pour ce qui concerne la question de l'entraide informelle dans les collectifs. D'accord. Alors, sur la souffrance au travail, non, je suis plutôt, dans le travail, dans le bouquin, nous appuyons pas mal sur la théorie de Christophe Dejour, la psychodynamique du travail, qui part de l'idée quand même que le travail est d'abord une souffrance. Quand vous travaillez, eh bien, vous heurtez à ce qu'on appelle la résistance du réel, c'est-à-dire que c'est pas facile de faire son travail. Vous avez une matière qui résiste, vous avez des clients qui sont pas toujours prévisibles, qui parfois rechignent ou ont des exigences imprévues. Donc là, le travail, c'est d'abord une souffrance au sens où il faut surmonter des difficultés. C'est ça un petit peu la condition travailleuse. C'est l'essence même du travail, c'est la difficulté, c'est d'une certaine façon la souffrance. Et par contre, ce qui se passe quand vous avez les ressources, l'expérience, la coopération avec les collègues, les moyens pour travailler, et que vous parvenez à surmonter cette résistance du réel, ces difficultés, cette souffrance, là, vous pouvez atteindre des formes de plaisir au travail et puis un développement de vos capacités, de votre pouvoir d'agir sur le monde, un développement de votre santé psychique et physique. Donc oui, le travail peut être une épreuve dont on sort grandi. Mais encore faut-il avoir une organisation du travail qui le permette. Mais sur ce travail, justement, l'aspect justement pathologie, risques psychosociaux, c'est moins votre propos, disons, que d'essayer de trouver des solutions. Enfin, je ne sais pas, c'est l'impression que donne le livre. Quand on parle de conception doloriste du travail, on, Là, on se réfère vraiment à. Alors, il y a deux types. Il y a la conception, de droite, hein, qui considère que le travail, de toute façon, c'est un effort et que la seule justification, enfin, la seule récompense au travail, c'est le salaire. Donc, ce qu'on appelle la valeur travail dans le langage de droite, hein, c'est de toute façon, le travail, c'est une souffrance, mais c'est nécessaire pour contribuer à la société et pour avoir un salaire. Ouais. Et on a une autre vision doloriste à gauche qui est plutôt portée, alors, par exemple, par le courant écologiste, ou le courant, disons, un courant critique du travail, qui dit le travail, c'est d'abord une aliénation, c'est le règne de la nécessité, comme disait Marx. Et donc, il n'y a pas d'émancipation possible dans et par le travail. Il faut réduire la place du travail, bon, par exemple, par la réduction du temps de travail, la plus intense, la plus forte possible. Et il n'y a rien à attendre d'une émancipation dans le travail. Ça, c'est aussi un courant très qui, par exemple, qui va prôner le revenu de base pour échapper à la malédiction du travail. Donc là aussi, nous ne croyons pas du tout à cette approche-là qui néglige complètement les acquis des sciences du travail, hein, que j'expliquais tout à l'heure. Oui, en effet, oui. On a quand même été surpris, je passe un peu du coq à l'âne là, surpris, mais est-ce que c'est vraiment surprenant, cet article dans Politis l'hiver dernier où vous assimilez la condition de travail difficile à des élections à l'extrême droite ou à l'extrême gauche, ou si on peut parler de la gauche radicale plutôt. Oui, alors en fait, les études, j'ai fait des études statistiques, hein, sur le lien entre les conditions de travail et puis le comportement électoral des salariés. En regardant, alors je ne sais pas ce que votent les individus, mais je vois dans quelle commune ils habitent, et je connais les résultats électoraux dans ces communes. Hein. Il y a des milliers de communes en France, donc ça permet de faire une étude statistique assez précise du lien entre les conditions de travail des gens et leur comportement électoral. Et ce qu'on observe, c'est que c'est surtout la question de l'autonomie qui joue sur les comportements électoraux. Les salariés qui ont très peu d'autonomie dans leur travail ont beaucoup plus tendance à s'abstenir. Alors ça, c'est vraiment très net, hein, oui, pas aller voter. Alors l'interprétation, c'est principalement parce qu'ils sont habitués à ne pas avoir d'influence sur la manière dont ils travaillent, hein. C'est quand même, ils travaillent 8 heures par jour, donc ça marque un peu la conscience d'un individu, et y compris sa conscience politique. Ce sentiment d'impuissance dans le travail se diffuse, hein. Un sentiment d'impuissance devient un sentiment d'impuissance dans la vie, et dans la vie politique en particulier. Donc à quoi bon aller voter, bon. Mais on a aussi un lien avec le vote d'extrême droite, donc le vote Marine Le Pen au premier tour d'un présidentiel, par exemple en 2017 comme en 2022 probablement. Là encore, c'est aussi un sentiment d'impuissance. On va s'en remettre à une personnalité charismatique qui va résoudre nos problèmes. Et dans une certaine mesure, c'est aussi vrai pour la corrélation se confirme aussi avec le vote pour Jean-Luc Mélenchon aux élections de 2017 ou pour la liste du Front de Gauche aux élections européennes de 2019, et avec un phénomène du même ordre, même si c'est pas du tout sociologiquement le même électorat, hein, qui vote pour l'extrême droite ou pour la gauche, disons la gauche radicale, pour aller vite, c'est pas du tout le même électorat sociologiquement, mais il y a quelque chose de commun dans cette expérience de l'impuissance dans le travail qui va, me semble-t-il, hein, pousser les gens à voter pour des candidats qu'on pourrait dire charismatiques ou populistes qui vont promettre une résolution des problèmes par l'action d'une personne. Hein. Alors évidemment, ça paraît un peu choquant de rapprocher le vote d'extrême droite et le vote de gauche radical. Je répète que ça, du point de vue sociologique, c'est pas du tout les mêmes populations, mais il y a quand même ce ressort commun, un sentiment d'impuissance dans le travail. Et puis alors peut-être sentiment d'impuissance, mais pris autrement, tu parles pas mal de démission au travail. Oui, alors aujourd'hui on est dans une situation particulière. On a parlé de grandes démissions. On est à un niveau record, un taux record de démissions sur le marché du travail en France. C'est un phénomène qu'on observe dans pas mal de pays. Ça a été noté évidemment aux États-Unis, ce qu'on appelle la grande démission, the Great Resignation. En France, c'est aussi vrai. Si on ajoute aux démissions les ruptures conventionnelles, qui sont à un niveau historiquement, enfin très élevé aujourd'hui, on a un taux de départ volontaire qui est sans précédent depuis qu'on mesure ces phénomènes sur le marché du travail. Donc, ce qui est aussi nouveau, c'est que ces démissions, ça on l'a montré par différentes études statistiques, sont fortement liées à un refus de conditions de travail inacceptables, que ce soit des horaires atypiques, imprévisibles, que ce soit une intensité du travail excessive, ou aussi, et là c'est peut-être la réalité de la situation, une perte de sens du travail qui est caractérisée aujourd'hui dans beaucoup de métiers. Donc les gens démissionnent, non pas pour se retirer du marché du travail ou se prélasser avec les allocations chômage, pas du tout, mais démissionnent pour rechercher un meilleur emploi, pour chercher un employeur moins irresponsable, je dirais, dans l'organisation du travail, qui offre de meilleures conditions de travail. Et les études montrent que ça marche, d'ailleurs, hein, dans beaucoup de cas, l'emploi retrouvé est de meilleure qualité que l'emploi quitté. Et donc plus d'exigences par rapport à l'employeur, vis-à-vis de l'employeur, c'est ça. Voilà. Et alors, ce qui est intéressant de noter, c'est que ce phénomène de démission ne concerne pas seulement les cadres ou des salariés très diplômés, hein, mais ça vaut pour tous les niveaux de la hiérarchie sociale. Vous avez autant de démissions chez les aides-soignantes ou les auxiliaires de vie à domicile que chez les médecins ou les ingénieurs. Donc c'est tout aussi lié dans les cas, que ce soit au niveau un niveau élevé de la hiérarchie ou un niveau plus bas, on a pu montrer avec Coralie Pérez que c'était tout à fait lié dans tous les cas à un sentiment de perte de sens du travail. La perte de sens du travail n'affecte pas que les salariés les plus diplômés, mais elle affecte aussi les ouvriers, les employés. Oui, je me souviens d'un article où il y a quelque temps déjà, où les cadres supérieurs s'engageaient dans la plomberie avec un tisan. Voilà, je cherchais le mot. J'allais le remplacer par autre chose. Ludovic. Oui, alors vous mentionnez dans votre ouvrage la question de la prise de conscience des défis environnementaux et du réchauffement climatique, donc, qui a montré ses conséquences de manière très aiguë cet été. Est-ce que ça aussi, c'est pas un des facteurs qui peut éventuellement expliquer une certaine ce sentiment de ne pas avoir prise sur les choses, en tout cas de ne pas vouloir travailler en tout cas dans un système. Je pense là notamment à ce fameux discours des étudiants d'AgroParisTech, hein, qui ont explicitement mis en avant le fait qu'ils n'avaient pas envie de travailler dans l'agro-business alors qu'ils avaient fait une école prestigieuse. Est-ce qu'il n'y a pas aussi ce phénomène-là, notamment peut-être chez les jeunes générations, qui justement sont désireux de faire un travail qui pour le coup a du sens au regard de la question écologique? Oui, tout à fait. On voit bien ce phénomène. Alors, on le voit dans les reportages ou les enquêtes journalistiques, dans les déclarations, comme vous avez noté, d'étudiants, notamment des grandes écoles, qui sont effectivement des enfants chéris du système, d'une certaine façon, et qui commencent à se rendre compte que ce système les mène dans le mur, comme il mène l'ensemble du vivant dans le mur. Donc, il y a effectivement cette prise de conscience des dégâts écologiques du travail, parce que toute pollution part d'un acte de travail. Hein. Quand on produit des pollutions, des fumées, des émissions de CO2, ça, par exemple, celles des véhicules viennent d'une production de véhicules, d'une offre de véhicules par les constructeurs automobiles, d'une industrie publicitaire qui stimule de façon permanente le consumérisme, de plateformes Internet qui également marchent à la publicité et au consumérisme, comme Google, Amazon, etc. Donc, on est dans un système qui pousse au consumérisme et à la croissance permanente de besoins artificiels et toutes les économies et toutes les améliorations en termes d'efficacité énergétique ou de progrès technique sur les procédés de production sont annulés et bien au-delà par la croissance des usages, des consommations, du nombre de kilomètres parcourus en voiture, en avion, etc. Donc ça commence à se savoir. Ce système économique, le travail qu'il organise et qu'il promeut est incompatible avec les limites de la planète, hein, avec la survie des écosystèmes, et de plus en plus de salariés s'en rendent compte. Et on a pu, alors dans l'enquête conditions de travail de 2019 que nous exploitons, que nous utilisons dans le bouquin, on avait posé une question, le ministère du Travail a posé une question sur est-ce que vous pensez que votre travail a des conséquences négatives sur l'environnement ? Et globalement, en 2019, 7% des salariés considéraient que c'était toujours ou souvent le cas. C'est encore pas énormément, mais déjà c'est un nombre significatif et qui a sans doute augmenté depuis 2019. Et ce qu'on constate dans l'enquête, c'est que ces personnes sont beaucoup plus enclines à annoncer dans l'enquête qu'elles vont chercher à se reconvertir, chercher à changer de profession. Alors la question c'est, est-ce que vous allez changer de métier ou de profession dans les 3 ans à venir ? Et elles sont beaucoup plus nombreuses à répondre oui, je vais chercher à changer de profession et de métier dans les 3 ans à venir. Donc oui, il y a un lien manifeste entre nous avons appelé le conflit éthique environnemental ou le remords écologique lié au travail et la perspective de reconversion professionnelle. Oui, alors maintenant, effectivement, la question, c'est la question de l'employeur qui, lui, continue. On n'a pas l'impression que les entreprises sont très, très attentives aux questions que pourraient se poser leurs salariés en termes de dangerosité écologique ou de risque du personnel. Mais je pense surtout à la dangerosité écologique. Alors, les entreprises essayent quand même de répondre à cette interrogation, cette inquiétude des salariés, notamment à travers ce qu'on appelle les démarches de responsabilité sociale et environnementale, RSE, mm-hmm. Mais qui sont... ça consiste à établir des chartes de bonne conduite, à s'engager à réduire ses émissions, à s'engager à avoir... comportement éthique, par exemple avec les sous-traitants ou les fournisseurs, etc. Donc il y a toute une industrie, on peut dire, de la RSE, de la responsabilité sociale et environnementale, avec des agences de notation, des services dans les entreprises qui s'occupent de fournir des indicateurs pour ces agences, pour que les agences puissent évaluer la performance sociale et environnementale des entreprises. Bon, il y a toute une industrie qui cherche à répondre à cette inquiétude. Alors, c'est une inquiétude qui concerne les investisseurs, mais aussi les salariés. Bon, mais ce que nous montrons dans le livre, en tout cas pour ce qui concerne le sens du travail, c'est que ça n'a aucun impact sur la façon dont les salariés perçoivent leur travail. Ça, en fait, les salariés ne sont pas dupes, d'une certaine façon. Ils ne croient pas davantage que leur travail a du sens quand ils sont dans des entreprises qui développent des démarches de RSE, voire même, ils sont un peu plus inquiets des conséquences de leur travail sur la société et l'environnement. Donc on peut pas dire que ça fonctionne. Alors par contre, j'ai noté dans le bouquin que l'importance des institutions représentatives des salariés qui ont été remplacées par le CSE maintenant, qui avait un rôle important justement vis-à-vis de pour les salariés, vis-à-vis de leurs responsabilités ou de liens avec la direction de l'entreprise. Oui, tout à fait. D'ailleurs, alors on montre dans notre étude que les salariés qui sont couverts par un délégué syndical, donc qui ont un délégué syndical dans leur entreprise, leur établissement, ils ont un regard plus critique sur leur travail, et notamment sur l'utilité sociale de leur travail, sur le caractère éthique, enfin la cohérence éthique de leur travail, hein, j'y reviendrai. Et donc, ils sont plus critiques sur leur travail, et ça les amène aussi plus souvent à... développer une exigence par rapport à la sécurité de leurs conditions de travail et aussi par rapport à l'impact environnemental de leur travail. Donc on constate par exemple que ce que nous avons appelé le conflit éthique environnemental la peur de porter atteinte à l'environnement par son travail est plutôt réduite quand il y a une présence syndicale, hein, ce qui correspond à une pression, disons, sociale, une pression du corps social dans l'entreprise, des salariés, pour réduire les atteintes à la santé et à l'environnement liées au travail. Et il est clair que le démantèlement par les ordonnances Macron de 2017 des instances de représentation du personnel, des instances de proximité, en particulier les délégués du personnel et les CHSCT, hein, les comités d'hygiène, sécurité et conditions de travail, qui ont été supprimés par ces ordonnances de 2017, bah, c'est une très mauvaise nouvelle, hein, pour la santé au travail et pour la santé environnementale, puisque c'était justement ces instances-là qui servaient un peu de contrepoids et de moyen de pression pour les salariés afin de faire mieux respecter les réglementations en matière de sécurité et de santé. Est-ce que leur suppression des IRS est visible aujourd'hui quand même, véritablement ? Ah oui, là, il y a eu un recul considérable de la couverture des salariés par des instances du style CHSCT. Hein. Il y a eu une perte de plus de 20 points. Les ordonnances prévoyaient la possibilité de mettre en place des comités sécurité santé au travail, CSST, mais qui étaient facultatifs, sont facultatifs. Hein, Ce sont des commissions. Oui, des commissions, pardon. Qui sont mises en place par les employeurs quand ils le souhaitent, et dans la plupart des cas, ne sont pas mises en place. Donc on a un recul très important de la possibilité pour les salariés et leurs élus de peser sur les conditions de travail, l'organisation du travail, y compris sur les conséquences environnementales du travail. Une question de Didier. Oui, enfin plusieurs. Vous avez parlé d'intervention du compromis Fordis, donc en gros on lâche un peu sur les salaires, sur les primes, et on laisse un peu les conditions de travail à l'employeur. Et par rapport au nouvel esprit, donc le compromis fordiste a été remplacé par le nouvel esprit du capitalisme avec un management par chiffres, la performance. La chose étant que le lien de subordination existe toujours. Il y a justement des travaux de Daniel Linhart qui parlent justement de supprimer ce lien de subordination. Enfin, là, on en vient peut-être aux solutions. Mais bon, on constate quand même qu'il y a ce nouveau management inclut quand même une individualisation des conditions de travail et des pressions accrues. Oui, alors, peut-être là, c'est peut-être le moment de dire un petit peu plus précisément ce que nous entendons dans le bouquin avec Coralie Pérez par... sens du travail, hein, pour comprendre pourquoi ce management par les chiffres attaque le sens du travail dans ces différentes dimensions. En fait, on a distingué trois dimensions du sens du travail qui correspondent au fait que le travail, c'est une action de transformation, hein, de transformation du monde. Par le travail, on transforme la matière, on transforme la société, parce que quand on travaille, on met en œuvre des règles. On collabore, on se coordonne avec les autres, donc on est dans des relations sociales, et donc ça, le travail, ça, c'est aussi producteur de règles sociales, producteur de société. Et puis on produit aussi, on transforme soi-même. Quand on travaille, on apprend, on se développe, ou alors au contraire, on s'ennuie, on a une intelligence qui se dessèche, une sensibilité qui se dessèche, si l'organisation du travail est entrave. Ce qu'on appelle le travail vivant, c'est-à-dire le travail comme un acte d'innovation, d'improvisation, d'invention permanente. Hein. Par rapport au travail mort dont parlait Marx, justement. Tout à fait. Donc le travail vivant, c'est ce qu'on met de soi, de son intelligence, de sa créativité dans son travail pour faire face aux imprévus, pour faire face à l'effort et à la difficulté. Hein. Et puis le travail mort, c'est les consignes, les machines, les ordres, les procédures, tout ce qui est établi par le management, par le patronat, pour encadrer notre travail. Et donc ce travail mort, avec le management par les chiffres, avec la standardisation des tâches, avec le reporting permanent, il prend de plus en plus de place, il envahit, il écrase le travail vivant. Alors on donne l'exemple particulièrement frappant les préparateurs de commandes dans les entrepôts logistiques, hein, chez Amazon par exemple, les préparateurs de commandes, il y a encore quelques années, ils organisaient eux-mêmes la façon dont ils préparaient les commandes et dont ils organisaient les piles sur les cartes, sur leurs chariots. Hein. Ils trouvaient un certain plaisir, une forme de jeu à édifier ce qu'ils appelaient de belles palettes, hein, c'est-à-dire une pile de colis très élevée, harmonieuse, bien équilibrée. Aujourd'hui, c'est plus du tout possible avec le voice picking, hein, ce qu'on appelle la commande vocale, où c'est l'ordinateur, c'est l'algorithme, qui dit à chaque salarié, à chaque minute, quel colis il va aller récupérer et mettre sur la pile. Et donc, le travailleur est réduit là à un simple appendice de la machine et perd toute possibilité d'exercer sa créativité ou son savoir-faire dans son métier. Ça, c'est vraiment ce qu'on appelle l'écrasement du travail vivant par le travail mort. Et donc, ça vient écraser à la fois le sens qu'on peut trouver dans son travail, c'est-à-dire sous l'angle de l'utilité, puisqu'on ne voit plus très bien à quoi on sert. On est un simple appendice d'une machine. On peut plus non plus développer ses compétences, son habileté, par exemple, dans un travail formaté de cette façon-là. Et donc, ça vient percuter complètement le sens qu'on peut trouver à son travail. Et puis, il y a une dernière dimension, hein. Il y a l'utilité du travail, il y a la capacité de développement dans le travail, et puis il y a la cohérence éthique. Alors, c'est particulièrement net dans les métiers, par exemple, du soin ou dans les services publics, hein, où les salariés sont amenés à faire des choses qu'ils désapprouvent, comme par exemple aujourd'hui, on voit bien en pédiatrie, trier les enfants en fonction des lits disponibles, les envoyer parfois dans des hôpitaux lointains. Enfin, c'est une, les médecins, les pédiatres en ce moment sont des situations impossibles du fait du manque de lits, du manque de personnel. Et ça, c'est vécu. Mais c'est vécu aussi, ces conflits éthiques sont vécus aussi par des ouvriers. On peut citer le cas des ouvriers de l'agroalimentaire qui sont obligés de bâcler le travail pour aller plus vite et ce qui donne lieu à des intoxications alimentaires parfois assez graves. Donc oui, ce management par les chiffres, il attaque les différentes dimensions du sens du travail et il rend les gens littéralement malades. Parce qu'en fait, si vous... Et sur le lien de subordination, vous considérez qu'il est à dépasser ou qu'il faut s'en accommoder? Si on en vient alors à la question des solutions, hein, des voies de sortie de cette situation, il faut effectivement remettre en cause la subordination. La racine du problème aujourd'hui, c'est bien que le travail est gouverné par les actionnaires en fonction d'un seul objectif qui est la maximisation des rendements financiers, avec ces méthodes d'organisation et de contrôle, le management par les chiffres, et qu'il faut sortir de ça si on veut redonner du sens au travail et aussi, surtout, restaurer la possibilité de construire sa santé dans le travail. Aujourd'hui, il faut bien voir qu'on a une épidémie de pathologies mentales et physiques liées à ces formes d'organisation du travail qui est tout à fait impressionnante, tout à fait considérable. Donc, d'ailleurs, tout ce qui concerne les pathologies mentales, l'essentiel n'est pas reconnu par la sécurité sociale. Hein. Ça donne lieu à des dépressions, des absences de longue durée, des phénomènes vraiment de décrochage social et par rapport au travail, mais ça n'est pas compté comme maladie professionnelle, hein, aujourd'hui. Alors c'est vraiment un phénomène massif. Donc il faut, pour sortir de cette situation, il faut remettre en cause ce management par les chiffres. Donc il faut reprendre en main l'organisation du travail. Il faut que les travailleurs et leurs organisations, leurs représentants puissent contribuer à déterminer la manière et les objectifs de leur travail. D'accord. Et ça, ça veut dire commencer à sortir de la subordination, parce que la subordination, c'est justement le fait que on accepte, parce qu'on a un salaire, on accepte d'obéir à des ordres et de suivre strictement les consignes qui nous sont imposées. Or ça, ça n'est plus possible. Au risque de clauses compromissoires, quelquefois aussi, non ? qu'est-ce que vous appelez des clauses compromissoires ? Ben, c'est les conventions entre les parties qui acceptent d'un commun accord de ne pas recourir à l'arbitrage juridique, par exemple. Je pense à Alain Soupirault, d'ailleurs, en l'occurrence. C'est-à-dire que le salarié et l'employeur se mettent d'accord pour être à un niveau de compromis, de subordination inférieur à celui qui est dans le droit. Bah, en fait, la subordination, c'est exorbitant par rapport aux libertés et aux droits ordinaires, disons, aux droits civils ordinaires. La subordination, c'est quand même une situation tout à fait exorbitante où un citoyen qui, a priori, est libre et égal à son patron accepte d'obéir pendant 8 heures par jour, d'obéir quasiment inconditionnellement à son patron. Donc on est déjà dans quelque chose d'exorbitant par rapport aux libertés civiles habituelles. Le salariat, il faut bien voir que le salariat est contradictoire avec les droits les plus élémentaires du citoyen, de la personne dans notre société. Il y a une contradiction majeure là, qui est véritablement admise, qui est même consacrée par le droit du travail a été construit d'une certaine façon pour rendre tolérable socialement cette situation exorbitante, mais cette situation n'en reste pas moins exorbitante. Et donc, effectivement, je crois que l'idéal socialiste initial de l'émancipation par la sortie du salariat, de ce point de vue-là, alors cet idéal reste d'actualité. Si on veut vraiment progresser vers une société de liberté, une société émancipée, il faut inventer de nouvelles formes d'organisation du travail. Alors qui dépassent le salariat au sens de dépasser la subordination, pas au sens de dépasser les protections associées au salariat, comme la sécurité sociale ou les garanties sociales. Oui, compromissoire, j'entendais, par quelque chose qui devrait être interdit et qu'on accepte tous les deux des deux parties, si vous voulez, c'est ça que j'entends. Dans la dangerosité du travail, par exemple. Une question oui, après, de... Il n'y a jamais d'accord explicite de ce type. Ah, c'est peut-être tout à fait... Entre un salarié et un employeur. Ludovic. Oui, alors, effectivement, vous avez évoqué le salariat. Est-ce qu'il n'y a pas fondamentalement une tension entre, d'un côté, les finalités assignées au travail par les organisations capitalistes et, d'autre part, la possibilité d'y mettre les trois éléments de sens que vous définissez dans votre bouquin, donc le sentiment d'être utile socialement, bien faire son travail et l'autonomie. Est-ce qu'il n'y a pas cette tension qui est presque consubstantielle en fait au rapport salarial et si oui, comment la dépasser cette tension ? Bah oui, c'est bien sûr, c'est une contradiction majeure. Hein. Le capitalisme est le rapport de travail sous le capitalisme est un rapport contradictoire hein, puisque le capitalisme repose supposément sur la liberté des individus, et en fait, cette liberté dans le travail, elle est niée quotidiennement. C'est pour ça que nous parlons d'aspiration révolutionnaire. Hein. Les travailleurs, les travailleuses aspirent à redonner du sens à leur travail, et ça les amène déjà à contester la subordination, et donc à contester le capitalisme. Ça ne veut pas dire que la révolution, le renversement du capitalisme est immédiatement à l'ordre du jour. C'est un phénomène évidemment qui demandera du temps, mais il faut développer, et c'est ça qui nous semble important aujourd'hui, il faut développer une stratégie politique dans laquelle cette question du sens du travail joue un rôle important. On peut appeler ça une politique du travail vivant, en fait, hein, qui s'oppose à cette politique du travail mort qui nous écrase aujourd'hui. Et donc, on donne quelques pistes hein, dans le bouquin. Qu'est-ce que ça veut dire, cette politique du travail vivant ? C'est, par exemple, le développement de formes alternatives de travail, échappant à l'emprise du capital, par exemple, à travers le développement des coopératives ou des SCOP ou des sociétés coopératives d'intérêt collectif. C'est un mouvement qui est en pleine croissance. Hein. On a une explosion du nombre de coopératives et en particulier du nombre de SIC, hein, de sociétés coopératives d'intérêt collectif, qui traduit une inspiration quand même considérable et croissante de beaucoup de salariés à trouver de nouvelles formes de travail. Alors, un autre aspect de cette recherche, de cette lutte finalement des salariés pour échapper à cette perte de sens du travail, c'est les démissions. Hein, on a déjà évoqué tout à l'heure, mais les démissions massives qu'on connaît aujourd'hui, c'est d'un certain point de vue, c'est une forme de lutte pour faire pression sur les patrons, les entreprises, pour qu'elles améliorent les conditions de travail, qu'elles fassent un peu de place au travail vivant, qu'elles redonnent un peu des marges de manœuvre dans leur travail. Alors ça, pour l'instant, ça marche pas. Hein. La réponse du patronat, c'est de durcir l'allocation, l'indemnisation du chômage, de durcir la coercition au travail. Hein. Mais il y a quand même un aspect important dans ce mouvement de démission, un aspect de lutte politique, même si c'est pas l'intention explicite des gens qui démissionnent, ça aboutit quand même finalement à un mouvement de pression sur le capital pour qu'il transforme l'organisation du travail. Bon. Et puis, alors, il y a surtout, nous, on insiste beaucoup sur les marges de manœuvre du mouvement social, du mouvement syndical et du mouvement social en général, parce qu'il nous semble que cette question du travail dépasse le seul mouvement syndical. Elle intéresse aussi le mouvement écologiste, comme on l'a dit tout à l'heure. Elle intéresse aussi les mouvements de défense des droits. C'est bien sûr. Donc, il nous semble qu'il y a une stratégie à développer dans les entreprises et les administrations pour reconstruire des collectifs de travail autour de cette question du sens du travail, de la possibilité de faire un travail de qualité. Et pour ça, on développe des propositions. Et par exemple, ce qu'on appelle la réduction du temps de travail subordonné. On peut peut-être... On va devoir malheureusement s'interrompre, ouais. Parce que c'est effectivement un thème qui nous a bien intéressé, la réduction du travail subordonné. On va remercier beaucoup Thomas Coutreau de nous avoir accordé cet entretien. Ouais, je connais le boulot et le boulot me connaît. J'ai eu du boulot pour sortir du ventre de ma mère. Et depuis, j'ai pas arrêté. J'ai grandi en boulonnant et j'ai boulonné en grandissant. J'ai jamais rien eu sans que ça me coûte du boulot. J'ai boulonné à droite, à gauche, au milieu, devant, derrière, sous l'eau, sous terre, à quatre pattes, à l'envers. Je connais le boulot. Et le boulot me connaît. Mais le boulot le plus dur que j'ai vu, c'est celui que j'ai dû faire pour gagner la femme de mon cœur. J'ai dû serrer la main à 97 personnes de sa famille. Et j'ai fait pareil avec 86 personnes qui n'étaient que des amis ou bien des voisins. J'ai embrassé 73 nouveaux-nés et j'ai changé les couches de 34. Je me suis fait lécher par 42 chiens dociles et mordre par 7 en colère. J'ai fait 27 km à travers une montagne avec 40 litres de pétrole sur le dos. Je me suis paumé et j'ai perdu mes godasses dans une fosse à purin. Tout ça j'ai fait pour montrer à la femme de mon cœur que je suis un homme et que je crains pas le boulot. J'ai joué du banjo pour 9 réunions d'église et moi-même, je suis devenu membre de 11 sectes différentes. J'ai fait partie de 7 syndicats et mes cotisations 6 mois à l'avance. J'ai cherché des bananes rouges dans une marécage verte. Pendant 2 semaines, j'ai attrapé la fièvre, l'insolation, le paludisme, les chocottes, les démangeaisons et le cœur en marmelade. Tout ça, j'ai fait pour montrer à la femme de mon cœur que je suis un homme et que je crains pas le boulot. Tout ça, j'ai fait là-bas, à la campagne. Et si je suis en ville aujourd'hui, mes amis, c'est parce qu'un jour, le père de cette dame-là m'a donné un drôle de boulot. Il m'a dit « Mon petit gars, tu monteras à la ville chercher des cadeaux de Noël. Pour les gosses, tu prendras des pistolets hauts, pistolets à bouchons, pistolets à morse, pistolets à air, pistolets à billes, pistolets à fléchettes, pistolets à pistolets. Pour les gosses du voisin, quelques couteaux à cran d'arrêt. Pour le beau-père, une mitraillette serait chouette. Et pour les gens du village, un politicien honnête. » Eh bien, vous savez, j'ai tout trouvé, sauf le dernier. J'ai cherché partout, j'ai cherché à droite, à gauche, au milieu, devant, derrière, sous l'eau, sous terre, à quatre pattes, à l'envers. Et pendant que j'ai cherché, la femme de mon cœur s'est barrée avec un chômeur. Donc c'était le blues du boulot de Steve Waring. Et maintenant on passe aux annonces d'attaque. Exactement, Florent. Alors, spécial copinage. Avec l'Association pour le droit de mourir dans la dignité, une conférence débat qui aura lieu à Marquette-les-Lille le jeudi 24 novembre à 18h avec... une conférence débat sur le choix de fin de vie et avec en présence de Noëlle Châtelet, autrice, qui n'est autre d'ailleurs que la sœur de Lionel Jospin, avec Monique Latsou, déléguée du Nord pour l'Association pour le droit de mourir dans la dignité. Donc le choix de fin de vie à Marquette-les-Lille à 18h, salle du Studio 4. Deuxième annonce, ben, tu fais la troisième, ce sera très bien. Alors, une soirée débat donc, autour de la gratuité des transports. Donc, c'est à l'initiative du collectif des transports gratuits ici sur la métropole. Donc, c'est à partir du livre « La gratuité des transports, une idée payante », donc coordonnée par Maxime Huret. Ça se passe au foyer de Fourmis, 49 boulevard de Fourmis à Roubaix. 174, donc boulevard de Fourmis à Roubaix. C'est le jeudi 24 novembre entre 18h30 et 20h30. Voilà, donc c'est organisé par le comité de quartier de Moulin-Potainerie et l'association culturelle Quartier Justice, plus la FAL et Attaque Roubaix-Tourcoing. Donc ça sera suivi par un pot de l'amitié. Voilà, donc deux soirées concurrentes le 24 novembre. On pourrait dire aussi cet après-midi, 19 novembre, la face cachée du numérique à 14h30 au Polder, autour d'un auteur anthropologue qui s'appelle Bruno Poncelet, qui fait partie du Centre d'éducation populaire André Genot de Liège. Donc, café Le Polder, rue Roger Salengro, bien sûr, à Lille LM. On termine sur le 3 décembre, on en a déjà parlé. Donc il y aura une réunion pour les adhérents d'Attaque et les sympathisants. Donc une adresse à communiquer. Donc sur des 4 départements des Hauts-de-France, une réunion régionale d'Attaque. Ben, merci. Alors c'est donc l'agenda militant. Donc, comme chaque année dans toute la France, cet après-midi, nous manifesterons par milliers pour dire stop aux violences sexistes et sexuelles. Donc, ça sera rendez-vous devant l'Opéra de Lille tout à l'heure à 14h. Le mardi 22 novembre à 18h30 à Sciences Po Lille, 9 rue Angelier à Lille, conférence sur le thème « Le socialisme, l'illusion d'un avenir ?» dans le cadre de Cité Philo avec Stéphane Rosa et Rémi Lefebvre. L'idée socialiste est née au 19e siècle et depuis a profondément marqué et transformé les sociétés démocratiques, l'État et les politiques sociales. Le socialisme a pris des formes diverses. Il est affaibli par la domination du néolibéralisme qui tend à affaiblir toute l'alternative, mais aussi par le retour d'un conservatisme xénophobe aux accents identitaires. Alors qu'une spectaculaire droitisation de l'offre politique s'opère, le socialisme et la gauche, plus généralement, ont-ils un avenir? L'écologie est-elle le nouveau récit, le paradigme alternatif? Le socialisme est-il une idée vouée à disparaître? Devenir gardien de la nature de Marine Calmet, juriste et fondatrice de l'association Wild Legal. L'humanité met en danger la santé des écosystèmes, la survie de nombreuses espèces animales et végétales, ainsi que les conditions de sa propre survie sur Terre. Témoin des carences de nos lois pour protéger la nature, Marine Calmet plaide pour l'adoption de normes inspirées des processus biologiques de notre planète. Proposer de nouveaux modèles de gouvernance incluant le respect des droits fondamentaux de la nature, du crime d'écocide et la protection des limites planétaires. Une réponse à l'urgence d'entamer un tournant juridique et civilisationnel. Ça sera à l'université de Lille, Amphi Cassin, 1 rue Place des Lions à Lille, hein, donc la fac de droit. Et donc le mercredi 23 novembre à 18h30, également dans le cadre de Cité Philo. L'association Youth Canet, en partenariat avec le cinéma Flandria, vous propose Bocage, mon beau souci, un documentaire sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes et ses activistes entre 2019 et 2021. La projection sera l'occasion de discuter avec la réalisatrice Alice Bourgeois des zadistes et des militants du territoire. Donc, ce sera au cinéma Flandria de Bailleul, 45 rue des Viviers à Bailleul, le vendredi 2 décembre à 19h30. L'événement est gratuit, l'apéro soupe sera offert. Présentation-discussion avec le collectif La Sellette. La Sellette s'intéresse à la justice pénale ordinaire telle qu'elle se pratique quotidiennement dans les tribunaux, ce qu'on appelle parfois la petite justice, celle qui, loin des cours d'assises et des procès médiatiques, ne s'applique qu'à des affaires peu spectaculaires pour lesquelles chaque jour des dizaines de personnes sont jugées et condamnées en moins de 30 minutes, puis emprisonnées le soir même. Donc ça sera au CCL le mardi 6 décembre à 19h, 4 rue Colmar de Lille, 4 rue Colmar à Lille. Et pour finir, l'anamorphose, le Café des Allocs présente une projection et lecture, une séance de présentation-projection, l'occasion de se capter sur un format différent des habituelles permanences hein, des Cafés des Allocs. Mais il sera toujours possible de mettre en commun ces histoires avec les institutions. Donc, au programme lecture du texte de Gunther Anders sur le chômage de masse, l'entreprise et la technique, et un film Cool Womp de Zlatan Dudo. Et donc, le synopsis, hein, qui changera alors le monde, ceux ou celles à qui il ne plaît pas. Réalisé en 1932, c'est coécrit par Perol Preitsch. Le film évoque la montée du chômage de masse donc dans les années 30, les expulsions et le regroupement des chômeurs et chômeuses dans un campement autogéré en périphérie de Berlin. Donc, ce sera le jeudi 24 novembre à 19h au 48 du Lompo à Lille, donc à l'anamorphose. Donc, vous pouvez retrouver tous les rendez-vous sur le site demosphère.net, lille.demosphère.net. Ok, merci, bon après-midi. C'est vrai qu'on est samedi. Et voilà, la prochaine émission, on ne sait pas trop pour décembre, mais on sait que pour janvier, nous parlerons d'inflation avec Thomas Dallery. Bon week-end. Suelo y me...